Kumisa manzambe Oya salaka na mandate Oya salaka elu na peuple te Ombulo to change nzambe Po apamboli bisote Po na Bible eko mama teke Tout est possible na moto atanga mingi To aza riche ou pauvre Mais la Bible nous dit Tout est possible à celui qui croit en Dieu Okoki kozala non rien Moto pamba Mais Dieu a élevé yo Boyoka Jibe mwana mama Agnes Lusambo Nyongwana nina defa na boya kofuta Bozo sala ba campagne bo desabilize binadam Boko resinga mokolo nzamba kola lampongi Elevation nanga eutani orient occident Eutana nzambe oya sala ka grâce Na ye na ba emble na bato ya lingi Chamuntu chamuntu chanzambi chanzambi Kotika ngate yawe Eloko bolingo nzamba kela poto lingana Awana mokili ekoma pon intere Gentillesse ya bato ezali se na presence Sokyo pesi mokongo sambwe na matongi Poto zolia e bobengi ngandeko Poto zomela bobengi ngamoninga e Mokolo ya likambo bilonge komaka ya kotanga Nako se retrouve lokola Yesu Masia Nangomba ya Golgota Mokolo ya liwana ye Tobonde la makasi maître Cham Yesu ala mwisa kalaza Ponanke mwa nzambe Lelo na yebili wanangai Ezali kembwa banguna Molimo ebana ya nzambe Nzoto mabele ya mpamba Boka mata bokata mposo Bosala na ya ngombonda Bobeta bobina bosala feti Mitema na bino ekita Lokola boko vivre eternellement Le grand sage maître Pat Kabea Naseka kapasi ya moto te ngai jibempiana Pona yebi pasi na liwa ezanzela ya moto nyoso Bopanza kanga sango na beli liboma Bolingi finanga ebeba na nyakosunga banananga Mabeya moto bomo na kase na miso Sokia zalite boko kanisa ya tana lika momoko Yongo ya naninga na defa aloba na futa Obotika koluka moto bomo inamboka bawa Excellence Tumbalwaba, le professeur Bokani sakinga ye Binadama na seza Mulati mposwa meme Obodistre public Ayoke le bino mawaboyi ba benediction Nanga ye jibe piana Mère adore Histoire changea kate papa wemba Mangro koto grand prêtre Histoire changea kate joski kiambu kuta Le commandant Histoire changea kate président nyoshe Le vieux bombas Zemonanga ya mulolo Nebi misa wenge Zemonanga kinye bouge E confirma wenge Bolinga bolinga te Bate mwenanga bazali Public nanzambe Verite angowana Alain Kitete, président Saxe Roto. Yezo koto mwana nzambe wa bongo la maina vino. Ala mousa bato bakofa patambo saki bakoka. Mokolo baka ngakiye bato bachola kiye. Nenge moko na papa sheri. Pasina na esengo ya banguna. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Dolikato. Mokani sakinga ye Joka Binadama na saezau Bolati mposwa meme Bobo distraire public Ayoke la bino Mawaboyi ba benediction Nanga ye Jibe piana Moto so kezali na mbongo kilo bravo Nakona ye tonaka Tule jour na ba fami bami Un jour soke azangi na kwe komi desert Loko la moto yo ae banaki atana moto te Lobi soke akufi baninga ba fami ba ye na mituka ya talo bate ba cotisation ya minene alona mbeto a l'hôpitalo motote ayaki ata na présence a pamba oye kosoleye tolinganaka te bana Congo mobimba tolingana jibem pia na ewe rason tolingana tite masela le makaba tolingana lese bula to mingezio tolingana mboka nisa kinga ye Roger Ngandu sulutani na faenza u mbola ti mposwa meme bobo distraire public Blanchard ayoke la bino mawa boyiba benediction na ngaye jibem pia na président Hilaire Molunda wa badinari tokane nga na zanoe moto nzamba revelaki salabato kotisa banyama nyonso Mi balé, mi balé.